Oui, je vais dire un petit mot d'intro. Voilà. Bienvenue. Promeneurs écoutantes et promeneurs écoutants. Alors, on va faire ensemble ce que j'appelle moi un pas. Pas un pas, mais un pas, parce qu'un pas, on l'a assez entendu. Donc, un parcours audiosensible. Alors, le parcours audiosensible, c'est assez simple. Ça relève de ce qu'on appelle la promenade écoute. Ça relève de ce qu'on appelle, avec nos collègues anglo-saxons, le sound work. C'est quelque chose qui est apparu, en gros, dans les années 50, à la fois du côté de l'écologie sonore, avec Murray Schafer, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et à la fois du côté des arts sonores, avec Max Neuhaus, qui est un musicien qui, dans ses premières performances, a fait ce qu'il appelait des listens, c'est-à-dire qu'il emmenait les gens dans New York, écouter des lieux improbables, sans rien faire d'autre que d'écouter. Donc voilà, et en tamponnant le mot listen. Donc voilà, le parcours audiosensible, eh bien, moi je vais vous le refaire à ma façon. Et donc on va marcher lentement sur un circuit que j'ai déjà repéré, mais que je vais peut-être me perdre, donc il va peut-être bouger aussi. En ne faisant rien d'autre que d'écouter, et je vous proposerai aussi, en fonction des acoustiques peut-être, et en fonction des choses qui vont se passer, parce que ça je ne maîtrise pas ce qui va se passer, ce qu'on appelle des points d'ouïe. C'est-à-dire qu'à des instants, on va s'arrêter, et puis on va écouter, tout simplement. Donc, puisqu'on est dans un festival d'art sonore, on va considérer qu'on va installer des sons, mais qui sont déjà là. On va faire une installation à ciel ouvert à 360 degrés que je ne maîtrise pas, donc avec beaucoup d'aléatoires. Et on va considérer que tout ça est une grande installation sonore. Et moi je reparle de quelques phrases de John Cage, trois phrases en l'occurrence, que j'aime beaucoup, qui disait si un son te gêne, écoute-le. S'il te gêne encore, écoute-le. S'il te gêne encore, réécoute-le. Ça veut dire que tout son est digne d'être écouté. Pas forcément musical, et que tout son peut devenir musique. La deuxième phrase qu'il disait, qui est un peu plus sarcastique, mais il disait, dans tout ce que j'écoute, dans tous les sons, il n'y a que la musique qui me gêne. Mais voilà, on n'est pas obligé de regarder ça. Et le troisième, qui est assez drôle, qui parle aussi du statut du son, il disait, ce camion de pompier est-il plus musical lorsqu'il passe devant un conservatoire de musique que devant un hôpital ? Donc voilà, c'est une façon de voir les sons aussi, de donner un statut différent au son en tout cas. Et la troisième personne que je vais citer, que j'aime beaucoup, c'est plutôt un écrivain, c'est Georges Perec, parce que Georges Perec a fait plusieurs travaux qui m'inspirent beaucoup. Il y en a une, c'est la tentative d'épuisement d'un lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'assoit tous les jours sur le même banc, par exemple, on peut créer un paysage sonore, entre autres. Le deuxième, c'est l'espèce d'espace, c'est-à-dire que tout est un emboîtement d'espace, d'une page blanche à l'univers, et que le son fait partie aussi de ces espaces. Et le troisième, peut-être, qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, c'est le concept, on va dire, le principe de l'infraordinaire, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qui n'intéresse personne, ni les médias, ni les artistes, les artistes commencent à s'y intéresser, mais ni les passants, c'est-à-dire que c'est tellement trivial qu'on ne fait plus du tout attention à tout ça, et l'infraordinaire, ça peut faire pour moi ce qu'on pourrait appeler de l'inouï. C'est-à-dire qu'à force de ne pas écouter le paysage, si on réécoute le paysage dans ses petits détails, on va vraiment recréer un paysage sonore. Voilà, je vais arrêter sur le côté théorie, histoire, mais c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance, et la dernière chose qu'on va installer, c'est du silence. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je suis très bavard, mais je ne vais plus rien vous dire. Et vous n'allez plus rien dire non plus. C'est parfois un exercice redoutable pour certains ou pour certaines, mais on ne va plus se parler. Sauf à la fin, où on pourra débriefer. Et donc, installer le silence, c'est laisser les sons s'installer aussi. Et puis voilà, on va accueillir tout ce qui vient de droite, de gauche, devant, derrière, de très loin, de très près, du haut, du bas. C'est une pièce de John Cage, 2 minutes de silence. Mais là, ça va être énorme. 4 minutes 33. Alors, je viens. Ah oui, c'est... Thank you. Thank you. 17 800 plus. Ouais. jour, de nuit, tout le temps. Ouais. plus rien. Merde. Alors, il a été convoqué par le président. Thank you. Thank you. Thank you. mourir, je suis passé. Tant pis. c'est pas la personne la plus drôle. Ça... Non, je comprends. Ça vous dit de faire un peu de copain? Non, parce qu'il y a faire des captations en install et tout, mais c'était okay. Super. Voilà, donc peut-être pour histoire de discuter un moment à fin. Oui, oui, j'imagine. Enfin, j'aurais bien aimé, mais là, comme je suis parti de café, en tout cas, c'était super. On en reparlera un peu ce soir. Oui, oui, on en reparlera ce soir. Demain. C'est ça. Hey. Merci beaucoup. Ah oui, moi je suis...